rêve des super filles en quête d'un éventeur producteur qui serait à mettre que j'ai le potentiel adéquat pour la réussite et me donner les moyens de le prouver au plus vite. Et j'ai croisé par hasard un producteur, un gars, un soir, dans son studio de barbare situé dans un hangar. J'ai passé l'audition en poussant la pression de mon style béton dans les cabasses et les célestions. Le son basse n'a pas tenu en place. Tout le matos, tout le matos, tout le matos s'était cramé, n'avait plus que la casse. Le producteur qui n'a rien compris avec sa face m'a lancé des menaces, fallait donc que je trace. Il faut saisir que mon style d'attaque, attaque, claque, frappe, tape au top niveau. Même au sort du four, il faut les servir chaud. Et j'ai décidé, je ne lâche pas l'affaire comme bon. Melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo